بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur qui nous dit donc le chapitre 3, chapitre concernant l'obligation d'apprendre le Coran. C'est une obligation. De chercher à le comprendre. Et la gravité des textes concernant celui qui délaisse cela. La parole d'Allah le Très-Haut. Nous avons placé des voiles sur leurs yeux, sur leur cœur, afin qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Donc la sourate 17, le verset 46. Pour bien comprendre ce verset, on va donc lire le verset qui est juste avant. Le verset juste avant cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا » Lorsque tu récites le Coran, nous avons placé entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile caché. Et donc les deux versets nous mettent en garde contre le fait de ressembler à ces gens-là, les gens qui ne croient pas, les gens qui ne croient pas en ce qu'il y a dans le Coran. Et ils cherchent à fuir, ils rejettent ce qu'il y a dans le Coran. Ils se détournent de celui-ci. Et certes, celui qui fait cela, quelle est sa punition? Quel est son châtiment? Sa punition, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala placera entre lui et la compréhension du Coran un voile. La personne s'est détournée du Coran, alors Allah place entre elle et le Coran un voile. De la même manière que tu t'es détourné, eh bien la sanction est du même genre. Elle fera que tu ne t'approches pas du Coran. Il continue, il nous dit, et aussi, donc la parole d'Allah, certes les pires des créatures pour Allah sont les sourds muets qui ne raisonnent pas. Ce sont les sourds muets qui ne résonne pas. Les deux versets qu'il y a juste avant ce verset, Allah Azza wa Jalla qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu atti'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw wa antum tasma'un. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et ne vous détournez pas alors que vous entendez. Allah, il vous dit, fais ça, ne fais pas ça, éloigne-toi de ceci, éloigne-toi de cela. Ne vous détournez pas alors que vous entendez. Et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Nous avons entendu, oui, oui, ok. La salate, ok, ok, ok. Arrête la cigarette. Ok, ok, ok, ok. Arrête de parler aux femmes. Ok, ok, ok. Arrête si. Ok, d'accord. Ne soyez pas comme ça. Ne sois pas comme celui qui dit j'ai entendu et il a pas entendu. Mais écoute et obéis. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit quelque chose, nous devons donc nous soumettre. Il n'est pas convenable que le croyant se suffise des prétentions qui sont dénouées d'application. Mais nous devons effectivement appliquer ce qu'il y a dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et certes, les pires des créatures, ce sont celles qui n'entendent pas. Elles n'entendent pas la vérité. Allah a dit de faire ça. Elle n'entend pas la vérité. Elle continue ce qu'elle veut. Allah a interdit l'usure. Il a interdit l'usure. Il n'entend pas, il va quand même faire son crédit bancaire. Et donc les pires des créatures, ce sont celles qui sont sourdes, muettes. Muettes, c'est-à-dire elles ne parlent pas en prononçant la vérité. Elles ne vont pas dire la vérité. La vérité, celle qui est conforme au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il continue l'auteur rahimahullah, ainsi que sa parole, quiconque se détourne de mon appel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au grand rassemblement. Et cette personne qui se détourne du rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui sera aveugle au jour de la résurrection, cette personne, elle va demander. Parce que le verset d'après, Allah, il dit Qala Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Elle dira Ô Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que sur terre je voyais, j'étais voyant. Qala kadhalika ataka ayatuna fanasitaha fakadhalika al-yawma tunsa. Alors Allah lui dira de la même façon que nos versets sont venus à toi et tu les as oubliés, tu les as délaissés. Tu les as délaissés. De la même façon, aujourd'hui, tu es délaissé. Et donc, il est interdit, barakallahu fikoum, de délaisser les versets d'Allah. Tu vois, Allah, tabaraka wa ta'ala, il t'a ordonné de faire quelque chose, fais-le, ne délaisse pas l'ordre d'Allah. Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a interdit de faire quelque chose, délaisse cette chose. Et ne délaisse pas le commandement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car cela est grave. Tu t'exposes à une lourde punition dans l'au-delà. Allah a interdit le fait de se détourner de son commandement. Et donc il y a dans ce verset, barakallahu fikoum, le fait que celui qui se détourne du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, et donc il fera que cette personne, elle mènera une vie pleine de gêne. Et donc tu ne dois pas te détourner du Coran. Il est formellement interdit de se détourner du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il fut dit dans l'interprétation de ce verset que ce qui est voulu, la vie pleine de gêne, c'est la vie dans la tombe, que sa tombe sera serrée. Il y a aussi cette interprétation qui a été citée. L'auteur qui continue, il nous dit d'après Abu Moussa radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce avec quoi Allah m'a envoyé comme guidé et science est à l'image d'une pluie abondante qui tomba sur un sol dont une parcelle était bonne. Donc une pluie abondante qui tombe sur un sol, la parcelle elle est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Celle-ci accepta l'eau et fit pousser beaucoup de verdure et de végétation. Une autre parcelle était stérile. Elle retient l'eau. Alors Allah tabaraka wa ta'ala en fit profiter aux gens qui en burent et abreuvèrent et cultivèrent. Et il en fit d'une autre, c'est-à-dire une autre terre, une parcelle, et qui n'était autre qu'une plaine aride, qui ne retient pas l'eau et ne laisse pousser de verdure. Tel est l'exemple de celui qui a acquis une bonne compréhension de la religion et a tiré profit de ce avec quoi Allah m'a envoyé. Il a alors appris et enseigné, et tel est l'exemple de celui qui n'y a prêté aucune attention et n'a pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc on voit dans ce hadith, barakallahu fikoum, que les gens, concernant le Coran, il se divise en plusieurs groupes. Concernant le Coran, il y a premièrement ceux qui acceptent le Coran. Ceux qui acceptent le Coran, ils vont profiter de celui-ci, ils vont l'étudier, ils vont l'enseigner aux autres. Comme on voit dans le hadith, les meilleurs des gens, ce sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui vont aussi profiter du Coran, mais moins que le premier groupe. Moins que le premier groupe. Dans les œuvres, ils auront moins d'œuvres, mais ils vont quand même en faire profiter aux autres. Comme cette terre qui ne fait pas pousser de verdure, mais elle retient l'eau, afin que les gens puissent en boire, cultiver, etc. Et donc, ils ont quand même profité du Coran. Et ensuite, on a ceux qui ne profitent pas du Coran et qui ne vont pas faire profiter aux autres. Ce sont ceux qui n'accordent pas d'importance au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ne cherchent pas à l'apprendre. On lui dit cours de Coran. Ouais, c'est bon. Tafsir. Ouais, c'est bon, j'ai pas le temps. J'ai mieux à faire. Ils ne cherchent pas à apprendre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne cherchent pas à l'appliquer. Et ce groupe-là est le mauvais groupe. Dans ce hadith, il y a deux bons groupes et un mauvais groupe. Le mauvais groupe, ceux qui n'accordent pas d'importance au Coran. Un musulman, il y croit. Il croit que le livre d'Allah est la meilleure des paroles et on ne cherche pas à comprendre. Si on te dit, ah oui, il y a tel et tel travail, tu vas gagner 10 000 euros par mois, tu vas prendre le manuel, tu vas le lire de A à Z 5 fois, tu ne vas rien lâcher. Mais c'est vrai. On te parle du Coran, ouais. Inch'Allah, quand j'aurai le temps, je vais essayer de trouver, je vais essayer. Allez, essaye toujours, on va essayer. Il ne faut pas attendre la mort, les frères. Faut pas attendre la mort. Une fois que la mort elle arrive, c'est trop tard. Qala rabbi irji'un. Ils diront donc, ô Seigneur, fais-nous retourner sur terre. C'est trop tard, il n'y a pas de retour. C'est trop tard. Et donc les frères, c'est important qu'on accorde du temps au livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On ne se détourne pas de celui-ci, mais on doit chercher à le comprendre. Il continue l'auteur, rahimahullah. Et d'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: faites miséricorde, il vous sera fait miséricorde. Pardonnez, Allah vous pardonnera. Malheur à ceux qui ont des oreilles comme des entonnoirs. C'est quoi un entonnoir? Par exemple, je prends la bouteille de Mustapha, je vais faire rentrer un produit dedans, je mets un entonnoir pour pouvoir verser le produit sans rien faire tomber. Et donc l'entonnoir, il y a un trou. D'un côté, un trou et une ouverture de l'autre côté. Ça veut dire que rien ne reste dedans. Rien ne reste dedans. Ici, il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à ceux qui ont des oreilles comme des entonnoirs. Ça rentre, ça ressort. Ittaqillah ya akhi. Ne fais pas ça. Ouais. Et des frères, on lui dit, ya akhi, attention, ton pantalon, il descend trop bas. Ouais. Le lendemain, même chose. Achri, ton pantalon. Ouais. Achri, ton pantalon. Ouais. Ça rentre et ça ressort. Ça rentre et ça ressort. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à ceux qui ont des oreilles comme des entonnoirs. Malheur aux mauvais persistants. Mon avis, c'est bien de persister. C'est bien, il faut être persistant. Mais ici, il nous dit malheur aux mauvais persistants. Si tu nous expliques qui sont les mauvais persistants, ceux qui persistent dans ce qu'ils font alors qu'ils savent. Tu sais pertinemment que ce que tu fais est interdit. Et tu persistes. On t'a montré les textes, on t'a montré les preuves, on t'a montré la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On t'a dit que l'usure, c'est interdit et tu persistes. Malheur à ceux qui persistent. Faire de l'usure pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour acheter ce que vous voulez. Malheur à celui qui fait ça. Allah l'a interdit formellement dans son livre. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on ne fasse pas partie de ce genre de personnes. Les mauvais persistants, ceux qui ont des oreilles comme des entonnoirs, ça rentre, ça ressort de l'autre côté. Il faut que ça reste et que tu profites de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, barakallahu fikoum, il y a un point important, c'est que dans ce hadith, il y a une preuve. Les savants nous disent, les frères, c'est quoi les kaba'ir? Là, c'est le dernier sujet qu'on va aborder dans ce cours. C'est quoi les kaba'ir? Les grands péchés. Les grands péchés, ce sont tous les péchés qui ont été cités dans les textes de la législation avec une punition dans l'au-delà ou une punition ici-bas ou alors la malédiction ou alors le désaveu. Celui qui fait cela ne fait pas partie des nôtres. Malheur à celui qui fait cela. La malédiction s'abat sur celui qui fait cela. Celui qui fait tel péché aura telle sanction dans l'au-delà, etc. Tous les péchés qui ont cela, ce sont donc des grands péchés. Les savants, ils nous disent aussi le fait de faire des petits péchés. Donnez-moi un exemple de petit péché, les frères. Alors, écoutez de la musique, à la fin du séminaire, on aborde le sujet de la musique. Il y a une page entière. Alors, regardez des choses qu'on n'a pas regardées. Taïeb. Et donc ça, c'est un petit péché. Regardez quelque chose d'illicite. Maintenant, le fait de répéter ce petit péché, de le répéter, de persister, ça, c'est un grand péché. Les savants nous disent que c'est un grand péché. Quelle est la preuve de cela? Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Malheur aux mauvais persistants, ceux qui persistent dans ce qu'ils font alors qu'ils savent. » Et donc, malheur, ça veut dire que c'est un grand péché. Et donc, ils persistent à faire quelque chose d'illicite. C'est un petit péché, cette chose qu'il persiste à faire, mais il persiste à la faire. Et donc, cette chose devient un grand péché. À partir du moment où un grand péché, tu le répètes, tu persistes, ça devient un grand péché. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.